Sans qui la nasali se colle la lela. Salana l'embie ye. Copon de la yo mama. Ongo vero yakato yokana. Yeah, well, yeah. Yolé. Les autres.